votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour tout le monde. Il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus et en attendant la fête du travail après-demain, vous écoutez Angle d'Attaque, l'émission proposée par Attaque Métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aujourd'hui, pour vous servir aux commandes, Germain, en remplacement de Florent, parti embrasser ses parents pour ce week-end. Germain, merci d'être là. Je précise que Germain est un membre fondateur d'Angle d'Attaque, ça mérite d'être dit. Germain, bienvenue. Les animateurs sont René, Ludovic et Christian, c'est-à-dire sans Louis. Et oui, que ses fans ne s'inquiètent pas de cette absence, elle tient à ce jour inhabituel de diffusion d'Angle d'Attaque, puisque nous sommes le cinquième samedi du mois et non le troisième comme d'habitude. Rassurez-vous donc, les fans de Louis, il sera présent dans les mois qui viennent. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Nous qui avons tenu à être présents à l'antenne entre les deux tours des présidentielles, nous ne nous doutions pas, en préservant la plage horaire d'aujourd'hui, que la ligne de fracture entre les impétrants du second tour serait autant l'Europe. Nous ne savions qui ils seraient d'ailleurs, ces impétrants. Et la poursuite de l'émission du 15 avril sur l'Europe allait donc de soi pour nous. Ce sera entre nous, donc sans invité autre que nous-mêmes. Je rappelle la fracture si besoin, l'une est pour la sortie de l'Europe et de l'euro, et l'autre voit dans l'Europe l'avenir du pays et du monde. Eh bien, nous allons examiner cela, mais pas seulement. Nous allons essayer de faire un peu de prospective aussi. Nous sommes en 2017. Est-ce que l'Europe peut évoluer dans un sens un peu moins défavorable que ce qu'elle nous donne à voir aujourd'hui ? L'écrasement de la Grèce et le Brexit ne rendent pas optimistes en effet. Mais pas seulement. Donc, à quelles conditions et surtout un meilleur avenir ? On n'ose pas dire radieux. On verra que ce n'est pas gagné. Pour commencer, c'est Ludovic qui va nous dire quel est cet électorat de Madame Le Pen et est-ce que l'Europe est vraiment sa préoccupation ? A priori, on peut le supposer, mais est-ce bien sûr ? À toi, Ludovic. Oui, alors effectivement, le FN a fait le plein de voix, effectivement, pour donner rapidement un aperçu sociologique, il a fait le plein de voix chez les employés et les ouvriers. Donc 32% de suffrage des employés, 37% des ouvriers. Et la candidate FN capte aussi en majorité les chômeurs, donc 26%. Les salariés du public aussi, 27%, il faut le dire. C'est intéressant. Et si on prend le niveau d'études, hein, sans surprise, les moins diplômés votent globalement, toutes choses étant égales par ailleurs, plutôt pour Marine Le Pen. Et les plus diplômés, eux, votent plutôt pour Macron. Donc, par rapport à l'Europe, effectivement, le FN capte plutôt des gens qui sont eurosceptiques, hein, du moins qui sont, enfin, si on regarde les instituts de sondage où on pose des questions sur l'adhésion à l'Europe, il est évident que les électeurs FN sont les plus disposés à dire que s'il y avait une sortie de l'Union européenne, ça serait les moins peinés. Donc véritablement, il y a sur cette question européenne, de toute évidence, le FN a capté un électorat qui semble sensible. En même temps, voilà, ça peut se comprendre quand on voit, ne serait-ce que l'affaire de ce qui s'est passé, à Whirlpool. Voilà. On voit qu'effectivement, l'Europe ne fait pas grand-chose pour contrer les industries qui partent à l'étranger et qu'il y a un dumping. De toute façon, il y a un dumping social. En Europe. Donc, après tout, on pourrait tout à fait penser que ces gens sont mus par une certaine rationalité. Parce que je pense qu'il ne faut pas condamner, condamner les idées du Front National, mais il faut regarder les causes sociales qui président au vote Front National. En effet, c'est un premier élément important. Puis, en même temps, les solutions que propose le Front National, c'est un peu compliqué. Quoi. Enfin, ce qu'a dit Philippot sur les antennes à propos de Whirlpool, c'est de dire si Whirlpool déménage en Pologne, on taxera à 35% les produits de Whirlpool qui entrent en France. Je me demande sur quelle base on peut faire ça sans quitter l'Europe. Et ça, c'est déjà une première difficulté. Une autre difficulté, c'est aussi, je pense qu'on a assisté chacun, tous les deux, à une conférence sur le milieu populaire et le Front National cette semaine. Il y a aussi, et c'est marquant, les contradictions permanente du Front National sur un certain nombre de projets importants qui concernent le pays. Je pense notamment à celui de déficit zéro, alors que les propositions de déficit budgétaire, il n'y a pas les propositions de dépenses vont amener un déficit budgétaire. Donc la règle d'or que serait amenée à respecter Madame Le Pen en parlant de déficit zéro, ce n'est pas jouable, quoi. Oui, non, il y a plein de contradictions, mais on peut penser que c'est justement parce que c'est contradictoire que ça marche en quelque sorte. C'est-à-dire que ça permet de capter des électorats différents, tantôt populaires en disant bah voilà, il faut augmenter le SMIC, il faut du protectionnisme, etc. Et puis de l'autre, elle peut capter également des petits indépendants qui vont être sensibles à la baisse des charges, etc. Elle a un discours très très plastique qui permet d'attraper, comme on dit en sciences politiques, en sciences politiques américaines, on parle des catch-all parties, les parties qui attrapent tout. Voilà. Le FN en est l'exemple, je dirais, le plus saillant. Ils sont tous attrape-tout, mais elle est particulièrement... Rodet. On aurait envie quand même de dire qu'un programme, ça doit quand même au minimum être cohérent. Or là, c'est peut-être un moyen d'attraper un peu partout, mais bon, un jour ils vont se trouver face au mur de la réalité. Après, est-ce que les électeurs regardent le programme? Je ne suis pas sûr. A fortiori, les électeurs du Front National qui sont assez peu diplômés. Enfin, même volatiles, parce que c'est un électorat assez volatile. Même à gauche, est-ce qu'on regarde vraiment le programme? Est-ce qu'on le... Puis le regarder, c'est une chose, le comprendre, c'en est une autre. Donc, encore une fois, je pense que... Oui, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. On avait regardé les statistiques du CEVIPOF à un moment et on avait vu que ceux qui étaient le plus motivés, les votes au Front National ne faisaient aucun doute, c'est ceux parmi les candidats, c'est ceux qui lisent le moins les informations. C'est assez affolant. D'ailleurs, c'était 6% de ces gens qui sont quand même un nombre non négligeable d'électeurs de certains de Marine Le Pen sont des gens qui ne lisent pas comme tu le dis. Donc effectivement, ça peut jouer. Effectivement, donc le rôle d'attrape-tout. J'ai cité l'exemple du déficit zéro. Il y a aussi l'exemple de la loi El Khomri. Lorsqu'elle était discutée au Parlement, les deux députés européens n'avaient de cesse que de proposer des choses qui durcissaient la loi, alors que effectivement, Marine Le Pen, dans ses discours, lorsqu'elle rencontre des ouvriers, elle fustige la loi El Khomri. Toujours ces contradictions qui sont compliquées à suivre pour nous qui sommes de simples observateurs. Alors, d'autre part, d'autres choses sur Madame Le Pen et son électorat. Bah écoutez, c'est un électorat. Il y avait cette expression qui était intéressante de la part de Willy Pelletier. Hein. Ce n'est pas un électorat, c'est un conglomérat. Conglomérat. Oui, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas... L'électorat, ça veut dire qu'il y aurait une forme de... Ça essentialise, ça réifie en quelque sorte une réalité qui n'existe pas. En fait, comme tu le dis, René, il y a un électorat extrêmement flottant, ce qui fait que d'une élection à une autre... les gens qui votent Front National ne sont pas toujours les mêmes. Donc il vaudrait mieux parler de conglomérats effectivement d'électeurs extrêmement différents et qui votent pour des motifs différents et pour des motifs qui peuvent paraître par certains aspects contradictoires entre eux, hein, c'est-à-dire des gens qui vont aller voter parce qu'il n'y a plus de service public dans leur commune, et puis d'autres qui vont aller voter parce qu'il y a des Roms. Enfin, voilà, les motifs sont extrêmement entremêlés et les degrés de sophistication, de justification du vote Front National est lui-même extrêmement différent entre des gens fascistes depuis leur temps d'enfance et qui ont tout un tas de références théoriques, et puis le prolo qui vote de temps en temps Marine Le Pen parce qu'il a envie de remuer le cocotte, voilà, de contester. Voilà. Donc effectivement, c'est un électorat, et d'ailleurs en sciences politiques, c'est un électorat extrêmement compliqué à saisir, parce qu'il est le fruit d'un certain nombre de processus extrêmement compliqués à restituer et relativement contradictoires. Il y avait une émission sur France Culture il y a quelques années qui... on avait un syndicaliste qui était interviewé à Dunkerque, qui faisait grève et qui disait, voilà, écoutez, moi je suis pour un nouveau mai 68, voilà, il avait un discours contestataire, tout à fait raccord avec son statut de syndicaliste, et la journaliste lui demande, mais pour qui vous avez voté? C'était en 2007. Je pense que la journaliste lui s'attendait à ce qu'ils disent Besancenot, Laguiller. Il dit, ben non, écoutez, moi j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen. Voilà, ouais. Donc mai 68 et Jean-Marie Le Pen, on a un peu de mal à comprendre la cohérence. Donc tout ça montre bien, encore une fois, la difficulté. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas taper, c'est ce que dit Willy Lepeytier dans son bouquin, il dit que les électeurs du Front National ne sont pas des monstres sociaux. Encore une fois, cette idée que les électeurs seraient bornés et bernés, hein, c'était l'expression qu'il a utilisée l'autre jour donc à la faculté de Lille-1, c'est des électeurs qui, en partie aussi, sont victimes aussi d'un certain nombre de politiques sociales, de politiques économiques. Quand on vit dans un espace rural où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus la poste, où il n'y a plus café, etc., l'anomie domine, et effectivement la tentation de voter Front National peut l'emporter. Et ça fait 46%, 46 départements où le Front National arrive en tête. René? Oui, je veux dire, ça montre aussi une forte perte de repères de la part des électeurs. On voit entre 68 et voter Front National, quand même, je ne sais pas, il y a quand même, il y a eu un... il y a un peu... Ça fait un peu comme un magma, on mélange un peu différentes références et bref. Et ça a l'air de marcher de toute façon. Bien, si avec René on passait à Macron, ah oui. L'autre candidat. Alors je dirais, mais pourquoi il rit lui? Puisqu'il ne touche à rien, Macron est de toute façon un adversaire potentiel d'attaque. Qu'est-ce que t'en penses, René? Alors, potentiel, un adversaire tout court. Un adversaire tout court. Un adversaire. Eh bien... Macron, Monsieur Macron, son diagnostic est celui d'une Europe à l'arrêt qui a perdu le fil de son projet. Jusque-là, oui, c'est sans doute assez bien vu, mais je pense qu'on peut tous un peu faire la même constatation. Donc il souhaite relancer le couple franco-allemand, et sa démarche consisterait à restaurer un vrai dialogue franco-allemand, puis de l'élargir. Mais alors, comment convaincre le gouvernement allemand d'aborder des sujets comme le budget de la zone euro, un plan d'investissement, le troisième pilier de l'union bancaire ou l'Europe sociale? Alors, eh bien, par des réformes, bien sûr. Son but, c'est poursuivre l'ajustement unilatéral. C'est-à-dire, on réforme la France d'abord, ce qui explique d'ailleurs au niveau national le choix de ses politiques. Hein, l'approfondissement de la loi El Khomri. Dont il est partiellement l'auteur, d'ailleurs, il faut quand même le savoir. Oui, faut le rappeler. L'ubérisation, son projet aussi sur les retraites, etc. Bon, voilà. Donc réformer d'abord la France, notamment, comme je l'ai dit, le marché du travail, et bien sûr réduire nos déficits. Alors, de ce fait, nos voisins allemands accepteront de discuter. Emmanuel Macron affirme donc que la France doit d'abord passer sous les fourches caudines de l'ajustement structurel unilatéral pour que l'Allemagne daigne accepter davantage d'intégration. Donc voilà son point de vue. Donc on est bien sur Maastricht, oui, les 3% de déficit budgétaire, voilà, les 60% de déficit public et les 2% d'inflation, on y reviendra, c'est un peu rigolo. C'est d'ailleurs même l'idée du noyau dur, mené par le ministre des Finances Wolfgang d'Angela Merkel, donc Wolfgang Schäuble. Voilà, l'intégration politique et budgétaire ne se fera qu'entre gens de bonne compagnie, comme il dit, autrement dit entre pays à compétitivité comparable et acceptant une discipline budgétaire de fer. Alors tout ça, il faut peut-être un peu remonter à il y a quelques années, à l'entrevue de Deauville en 2010 entre Nicolas Sarkozy. Ça avait débouché sur une sorte de pacte informel. La France devait réduire son déficit pour que l'Allemagne accepte de sauver la zone euro. Hollande a continué sur la même stratégie et apparemment Macron également. Voilà. Toutefois, ce pacte, on peut considérer que c'est un bilan plutôt terne parce que oui, cette idée des réformes nécessaires pour convaincre l'Allemagne est-elle réaliste ? Rien n'est moins sûr. Alors prenons l'exemple des pays de la zone euro qui ont réformé depuis 2010 et parfois violemment. Ça n'a pas décidé l'Allemagne à faire un geste vers l'intégration. Autre exemple, l'union bancaire attend toujours son troisième pilier. Là, c'est la garantie européenne des dépôts qui est jusqu'ici refusée par Berlin. La Grèce est un exemple plus que caricatural. La confiance de Berlin n'est toujours pas revenue, malgré d'immenses efforts, une économie en lambeaux et des réformes incessantes. Le cas du Portugal et l'Italie, c'est un peu la même chose. Bref, la confiance est quelque chose de fort subjectif. Il est toujours possible de considérer qu'on n'en fait jamais, que les autres n'en font jamais assez pour en demander davantage. C'est un peu le jeu de l'Allemagne, on dira. Et d'ailleurs, elle n'a pas changé, puisque récemment encore, elle a encore tensé, le ministre des Finances, Schäuble, a encore tensé le Portugal, qui est pourtant maintenant sous la barre des 3 euros de déficit structurel. 3%. Pardon ? 3%. 3% de déficit, enfin, par rapport au PIB, bien sûr. Matteo Renzi aussi, en Italie, qui avait espéré convaincre Berlin avec son Jobs Act, en a été pour ses frais. Oui. Donc le risque est donc de faire face à une Allemagne qui refuse toute socialisation des dettes. Donc la demande de réforme peut être ainsi sans cesse renouvelée. Et c'est d'ailleurs à ce jeu que se prête l'Allemagne qui permet sans doute de maintenir aussi sa position dominante. C'est un peu, je dirais, une forme de chantage peut-être. Effectivement, c'est du chantage, oui et non, dans la mesure où l'Allemagne a sa puissance pour elle et ne souhaite pas discuter autre chose que ce qu'elle a décidé, en fait. Et donc, de ce qui a été décidé. Et je rappelle qu'en 83, en arrimant le franc à l'Allemagne, d'abord dans le Deutsche Mark avec le système monétaire européen, puis à l'euro, la France, Mitterrand au départ, en 83, a joué le jeu de l'Allemagne et a fait en sorte que l'Allemagne reste toute puissante, de toute façon. Alors, ce n'est pas de l'anti-germanisme que de dire ça. Hein. On pourrait le démontrer plusieurs fois que les choix allemands, en particulier de ce qu'on a déjà décrit dans cette émission avec toi, René, l'ordolibéralisme, montrait un mode de fonctionnement qui n'est pas en conformité avec des règles démocratiques habituelles. On y reviendra peut-être. Oui. Alors pour revenir à Emmanuel Macron, donc, il nous prépare déjà au fait qu'il faudra beaucoup de réformes pour peut-être arriver à convaincre l'Allemagne. Le problème des réformes, c'est qu'elles ont plutôt un effet récessif et ne conduisent pas automatiquement ni immédiatement à de la croissance réelle quand ce n'est pas l'inverse. Comme solution, souvent, la réponse, c'est d'envisager encore plus de réformes. Réformes, bien sûr, libérales et accentuation des politiques d'austérité. C'est ce qu'il faut entendre par réforme. La zone euro a connu ce phénomène. Ce qui a induit, d'ailleurs, entre 2011 et 2013, la plus longue récession de son histoire. Le problème, c'est que cette logique va entraîner évidemment un mécontentement populaire. Oui. D'autant plus que quand la reprise survient, elle est timide, elle est souvent timide, inégale. Et l'OCDE, d'ailleurs, a récemment souligné que l'actuelle reprise était source d'inégalités inédites. Donc la stratégie menée par Emmanuel Macron risque donc plutôt de faire le jeu des mouvements eurosceptiques. Oui, ça c'est possible, mais quand tu disais avec juste raison que Macron se destine à aller visiter Madame Merkel, il a quand même... Comme Hollande en 2012. Oui, oui. Comme Hollande en 2012, mais... Quasiment deux jours après son élection, je ne sais plus, trois jours après. Oui, à ceci près qu'il était parti pour négocier un traité pour lequel il a demandé devant Mme Merkel où on signe, en fait, hein, où je dois signer, quoi. Hein. Non, là, c'est autre chose, parce qu'il part quand même d'un a priori tout à fait favorable, puisque le gouvernement allemand, je ne sais pas si ce n'est pas Mme Merkel en personne, l'a félicité, en tout cas le gouvernement allemand, je suis sûr. J'ai des preuves, oui, dans le monde, il y a effectivement... T'as des preuves dans ton ordinateur. Oui. oui, donc, l'a félicité. C'est pas non plus inintéressant que Juncker lui-même était tout à fait satisfait de cette élection, enfin de ce premier tour. Et donc, il a quelques atouts. Disons, il est dans un environnement favorable quand même. Oui, puis je pense que Macron vit. Enfin, je pense qu'il a sans doute, à mon avis, il espère que Schulz l'emportera en... C'est en septembre. Là, avec l'illusion, à mon avis, c'est très illusoire de croire que Schulz est sur une autre position que Merkel. Il y avait un papier là dans, je ne sais plus dans quel média, qui c'était les économistes atterrés, je crois, qui avait parlé de ça, effectivement, qui expliquait que Schulz, voilà, qu'on s'illusionnait, nous les Français, pour croire que Schulz aurait une position peut-être moins raide que Merkel. Bon, après avoir, mais de toute évidence, effectivement, il y a eu un concert de louanges et puis de la part de la l'eurocratie bruxelloise et puis de la part de l'Allemagne et de la part des marchés financiers aussi, hein, parce que je vous assure que depuis dimanche, hein, c'est voilà, c'est il y a un papier dans les Échos, c'est l'euphorie, et effectivement, ouais. Et je pense que Macron lui-même d'ailleurs doit être un peu gêné aux entournures de ces de ces concerts de satisfaction qui viennent des marchés financiers, parce qu'évidemment ça conforte évidemment l'idée que c'est pour reprendre le titre d'un, c'est Frédéric Savicky, un politiste à Paris là, qui a écrit qui s'est fendu d'un billet dans l'Humanité, qui dit c'est le Macron, c'est le gendre idéal de la finance. Voilà, oui, joli. Effectivement joli, voilà. Joli. C'est assez résumé, c'est bien résumé. Justement, ça m'amène justement à cette question, à ce deuxième point d'interrogation. Est-ce que c'est, bien que baignant dans un environnement favorable, est-ce que Emmanuel Macron a-t-il les chances de faire bouger l'Allemagne? Eh bien... Oui. Alors d'après toi, René. Eh bien, tout dépendra évidemment des élections allemandes prévues le 24 septembre 2017, pour être précis. Moi, je serais plutôt sur la base de Ludovic. Ça m'étonnerait que ça change grand-chose. Mais enfin, vas-y. Voilà. Alors, de toute façon, actuellement, Madame Merkel ne pouvant passer de son fameux ministre des Finances... Schäuble. Y a rien qui bougera avant, ça c'est sûr. Donc l'Allemagne refusera tout projet de socialisation des dettes, même avec Emmanuel Macron et l'environnement favorable dans lequel il baigne. Alors ça, il faut le préciser, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est effectivement le principe même de la loi allemande, c'est qu'on ne mutualise pas les dettes, de toute façon. Donc c'est ça, il n'y a pas un gouvernement allemand qui échappe à ça, quelle que soit l'alternance. De plus, la position de la droite allemande, si elle reste au pouvoir, sera évidemment d'attendre les actes et les résultats, comme elle le fait depuis quelques années, vis-à-vis des pays endettés. On voit que malgré leurs efforts, ça ne la convainc toujours pas. Est-ce que tu sais la position de Macron sur la Grèce? Elle est connue ou pas? Oui, je sais pas. Après, je pense que Macron, il a un flou quand même il y a un flou, à mon avis, sur ce qu'il va faire exactement. On ne sait pas trop exactement ce qu'il va faire. Déjà, ça dépend de la majorité qu'il aura. Ouais. Et puis, je pense qu'il a entretenu le flou durant toute sa campagne sur son programme et que... La Grèce fait partie du flou, même de l'opacité complète. Sans doute, voilà. Donc on est bon, parce que là, moi, dans le Monde, là, il dit qu'il promet, je cite, de renforcer les droits sociaux dans l'Union européenne, grâce à des standards communs en matière d'assurance chômage, de couverture santé, de salaire minimum. Mais pour ça, il faut convaincre l'Allemagne. Mais c'est ça. Et pour convaincre l'Allemagne, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on soit sérieux entre guillemets budgétairement. Voilà. Or, nous dit un eurodéputé dans cet article du Monde, je cite, pas simple. Les Allemands sont terrorisés à l'idée de devoir payés pour des pays incapables de maîtriser leurs finances publiques, il faudra plus que le retour aux 3% pour les rassurer. Donc effectivement, sans doute que, quand bien même, il y a supposé d'ailleurs que le budget soit à 3%, je ne suis pas sûr que ça suffise véritablement pour rassurer nos amis allemands. Et compte tenu des niveaux d'endettement au sein de la zone euro, bien sûr, il faudra donc attendre longtemps, et peut-être vitam aeternam, avant de voir des transferts de solidarité se mettre en place. Un temps pendant lequel, bien sûr, il faudra se désendetter, ce qui suppose une inflation forte, ce que les Allemands refusent, une austérité sévère, ce qui va détruire la reprise. On est déjà dedans, vous me direz. Donc c'est une solution, c'est pas une solution, c'est une impasse. Reste un meilleur scénario, celui d'une victoire des sociaux-démocrates. Donc Schulz. Voilà. Alors, mais là encore, tout dépend. Si Martin Schulz arrive à regrouper en une coalition de gauche Die Linke et les Verts, ça pourrait amener à un changement. Oui, puisque c'est quand même, il est quand même plus ouvert que Schäuble. Évidemment, il accepte l'idée même d'absurdité, de cette idée d'ajustement unilatéral est une absurdité vis-à-vis des autres États de la zone euro, bien sûr. Le problème, c'est que si cette coalition de gauche n'est pas possible, il faudra revenir à ce qui s'est mis en place, à la coalition avec la droite. Et là, la droite, eh bien, elle va dire, il n'est pas question de changer quoi que ce soit à notre politique européenne. En même temps, ça se négocie. Mais le SPD serait majoritaire. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, on ne sait pas. Mais tu crois vraiment que Die Linke va rejoindre Schulz? C'est oui. Assez peu probable. Quoi. Par contre, les Grünen, les Verts, sont tout à fait capables de jouer le jeu avec le SPD. Pour revenir sur le vote Macron, il faut quand même reparler un peu de sociologie électorale, mais donc de dire effectivement que Macron a été élu et effectivement en grande partie par les gens les plus diplômés, les gens des catégories supérieures qui se disent tout à fait contents pour leur avenir et qui vivent essentiellement dans les grandes villes. Alors ce que nous dit Frédéric Savicky dans l'article que je citais dans l'Humanité, il nous dit que... Macron a été élu en grande partie par défaut, hein, ce qu'on n'a peut-être pas assez souligné. Je cite, beaucoup d'électeurs de gauche ont voté pour lui par peur d'un second tour Fillon-Le Pen. Et Savicky de rajouter, il devra donc convaincre qu'il n'est pas simplement un rempart, mais qu'avec lui, les Français seront mieux défendus, mieux protégés. Donc on voit bien que Macron, même s'il est élu, il y a une grande chance qu'il soit élu, il va avoir beaucoup de problèmes pour... véritablement gouverner, et parce qu'apparemment sa légitimité est quand même très très faible. D'une part, son score n'est pas énorme. Hein. Rappelez-vous, il a fait quoi, 23%. Sarkozy, quand il était élu en 2007, c'était quasiment du 29 plus au premier tour. Bon. Je pense qu'effectivement... C'est peut-être dû à la multiplicité des partis aussi. Oui, et puis qu'il n'y a pas un réel désir de Macron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois. Il a agrégé en son sein des gens de droite qui étaient sans doute un peu... qui avaient été déçus par Fillon. C'est ça, oui, voilà. Je pense qu'effectivement, encore une fois... Et puis voilà, il y a quand même... Si vous prenez... voilà, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de ces réformes libérales. Oui, alors il y a quand même, pour lui, j'ose dire, il y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, ces 24%, après ces 23%, ces 24%, ça représente 18,19% des électeurs. Oui. Donc c'est déjà... des inscrits, pardon. Des inscrits. En sachant que tout le monde n'est pas inscrit. Ouais, voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, effectivement, on l'a entendu par la voix de Madame l'héritier, donc les Républicains, qui dit on va tout faire pour qu'il y ait un Premier ministre des Républicains. Mmh. Et c'est possible. C'est pas complètement stupide. Donc je pense que effectivement rien n'est joué pour la suite. Maintenant, on va peut-être parler de la suite, justement, René. Tu avais effectivement travaillé, oui, moi aussi d'ailleurs, sur la question de est-ce qu'il y a des suites envisageables pour l'Europe un peu moins défavorables que ce que nous avons connu depuis un bon bout de temps. Peut-être avant, faudrait-il conclure sur Macron. Eh bien, justement, durant sa campagne, Emmanuel Macron ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'il était le plus urgent de réformer. Est-ce la France ou l'Allemagne ? Parce que, première constatation qui va peut-être étonner nos auditeurs, la zone euro, les déficits sur l'ensemble de la zone euro, le déficit public est de 1,7% du PIB ces derniers temps, enfin sur un an je crois. C'est un chiffre déjà inférieur à la limite des 3% imposés. Mmh. On peut dire même qu'ils sont ils commencent à se résorber. Évidemment, c'est dû aux politiques d'austérité, comme on s'en doute. Donc il y a eu, on peut le dire, un grand mouvement de consolidation budgétaire dans la zone euro. Pour la croissance, la croissance effectivement reste faible. L'investissement productif reprend un peu, mais reste lui aussi faible. Et la Commission européenne l'a reconnu en octobre et elle a suggéré qu'il serait utile de réaliser un plan de relance de 0,5 du PIB de la zone. Et ce plan a été rejeté par l'Allemagne. D'autre part, la zone euro n'a pas besoin d'attirer des investissements puisqu'actuellement elle dégage un excédent courant en janvier 2017 de 3,3% de son PIB. Et même la France est revenue en excédent sur sa balance courante. Elle n'a donc pas de problème de financement de son économie. Dès lors, le problème est peut-être ailleurs. C'est que la zone euro n'a peut-être pas besoin de nouvelles réformes ou d'un nouveau cycle de consolidation budgétaire, mais plutôt d'une réduction de ses déséquilibres internes. Or, le premier de ces déséquilibres, à l'heure où tout le monde réduit ses déficits, ce sont les excédents publics et les excédents courants de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est clairement en sous-régime, elle investit peu, sa croissance salariale est insuffisante et elle accumule un excédent. Or, l'excédent est précisément ce qui freine la croissance. Donc, l'urgence serait peut-être de voir que l'Allemagne se réforme avant d'imposer les réformes aux autres États. Mais... C'est une conclusion un peu difficile, et dont on comprend que les termes ne sont pas particulièrement enthousiasmants pour la suite. Je pense qu'effectivement, il faut voir s'il y a des suites envisageables pour l'Europe et sous quelle forme. Alors, on a imaginé effectivement un certain nombre de choses. On a vu de toute façon, de façon tout à fait claire, l'Europe, alors sous réserve de ce que disait Louis la fois dernière, c'est-à-dire est-ce que tout ça n'est pas bien calculé n'est pas effectivement l'orientation décidée. Voilà, on peut faire le constat, si vous voulez, que la situation aujourd'hui est difficilement pire. Enfin, si, elle a été pire en 2012-2013, en fait. Dans la mesure où, Mario Draghi, qui est le président de la Banque Centrale Européenne, n'avait pas fait fi ces dernières années, depuis 2012, en fait, et jusqu'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de l'année 2017, n'avait pas fait fi des règles de Maastricht et des règles qui régissent notamment celles de la Banque Centrale Européenne. La crise, selon un certain nombre d'économistes, dont Michel Aglietta, dont je vais reparler tout de suite, selon un certain nombre d'économistes, Lordon également d'ailleurs, on était au bord du gouffre en 2012. Et Mario Draghi a changé complètement la donne en Europe et a permis, par l'intermédiaire du second marché, aux banques de se ressourcer avec de la monnaie banque centrale. Et donc, on a il a fait la chose suivante. Il a distribué 1 000 milliards à 800 banques en Europe pour contrer la situation catastrophique des pays et pour espérer une relance économique, une relance dans le domaine de la production, donc de la croissance. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Bilan d'opération, en 2015, il décide la même chose, ce qu'on a appelé une mesure non conventionnelle. C'était déjà une mesure non conventionnelle, les 1 000 milliards, mais là, on a 1 600 ou 1 700 milliards distribués à raison de 60 milliards par an dans les pays de la zone euro, bien sûr, toujours pour relancer l'économie, sans que ça marche terriblement. D'ailleurs, il faut quand même le reconnaître. C'est ce qu'on a appelé le quantitative easing, c'est-à-dire la monnaie facile distribuée par la banque via le second marché. Donc, les rachats de dettes des pays ont pu se faire par ce biais. Ce qui est à noter, est-ce qu'ont pu noter effectivement les économistes? Ils se sont effrayés de voir autant d'argent distribué par la Banque Centrale Européenne, à contrario de toutes les règles de Maastricht, mais en même temps, ils pensaient qu'il y aurait une inflation terrible, et il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation, d'abord, la première raison, c'est qu'on est dans situation de déflation et de lutte, on en avait parlé la fois dernière, de lutte pour moins de fiscalité pour les entreprises, plus d'impôts pour les salariés, bref, une lutte, tout à fait une situation complètement déflationniste. René, est-ce que c'est pas justement l'utilisation de cette injection de monnaie qui est utilisée peut-être qui va plutôt vers l'épargne que vers l'investissement productif, ou... Je pense que les banques d'abord se désendettent avant de faire quoi que ce soit de prêt pour aider les entreprises ou les ménages à consommer. Les ménages à consommer, les entreprises à produire. Je pense que la situation est là. Elles sont d'autant mieux à faire ça qu'elles ne sont pas contraintes. Il n'y a jamais eu de, moyennant le fait qu'on les refinance, le fait qu'elles doivent investir. C'est ce qu'on appelle en économie des trappes à liquidité. C'est-à-dire, effectivement, on donne de l'argent aux banques, mais les banques n'investissent pas forcément. Enfin, en tout cas, l'argent ne retourne pas dans le circuit économique et ne permet pas aux entreprises d'investir. Il y a aussi, c'est une politique qui peut être discutable aussi, cette politique de relance Oui, c'est effectivement. Alors, moi, je pense. Il y a relance et relance, finalement. Si j'ai encore quelques minutes, je voudrais parler de Michel Aglietta, de la proposition de son livre La double démocratie. Hein. Le constat, il le fait, on voit très bien que deux choses, en fait. Que les politiques publiques, alors pour revenir, c'est exactement ce que tu viens de dire, Ludovic, il n'y a pas de politique de relance possible. Les 300 milliards qu'avait proposé Juncker en 2012, c'était une cotère sur une jambe de bois, ça ne servait à rien, et ça n'a servi à rien d'ailleurs, ça n'a rien développé du tout. Bon, et donc il faut, selon des gens comme Aglietta, il faut revoir de fond en comble le mode de fonctionnement de l'Europe. Et le constat, c'est simple, c'est qu'on a une monnaie, on en a parlé la fois dernière, une monnaie unique, qui est en fait une monnaie étrangère, et on le voit très bien pour la Grèce. Hein, les Grecs sont incapables de jouer sur la monnaie, forcément, c'est pas eux qui la gèrent. Donc voilà, c'est une monnaie qui ne fonctionne pas. Ensuite, il n'y a aucune coordination des politiques publiques. Et donc là, Et en même temps, on le prouve dans la mesure où le budget actuel de l'Europe, c'est un budget dans lequel chacun met son écho, en fait. Il n'y a aucune coordination et aucune décision budgétaire unique sur ces questions-là. Oui. Donc l'idée de Michel Aglietta, c'est d'avoir un véritable budget européen. Et un véritable budget européen, c'est quoi? C'est un budget qui est voté par un véritable Parlement, pas celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un Parlement élu en Europe au suffrage universel, et qui a le droit de faire des recettes, à commencer par ponctionner une partie des profits, à jouer sur les transactions financières et sur la taxe carbone. Un véritable budget européen qui le soit celui du Parlement européen. Et c'est intéressant parce qu'il ne s'arrête pas là. Enfin, dit-il, avec un véritable Parlement européen, la monnaie aura son souverain. Ce qu'il dénonce depuis des années, Michel Aglietta, c'est l'incomplétude de l'euro. Une monnaie dans un pays, c'est une monnaie qui fonctionne avec le budget et qui fonctionne avec un État, qui est décidé. Or, le fait aujourd'hui, vous comprenez bien que le fait aujourd'hui qu'il y ait une Banque Centrale Européenne qui est détachée de toute décision politique, un Parlement qui n'a aucun pouvoir, là, il s'agit de renverser la tendance et d'aller vers cette situation. C'est fort important parce que je pense qu'il y a un intérêt à suivre cette idée de Michel Aglietta où on reconstitue une véritable Europe. Alors évidemment, c'est pas son problème, hein. Puisque effectivement, on n'est pas là. D'abord, et pour revenir sur ce que disait René plusieurs fois, c'est qu'il va falloir pour ça dire, écoutez, Maastricht, c'est fini, on est désolé, on ne va pas pouvoir suivre les... On ne peut pas ne pas dénoncer les traités européens, on ne peut pas ne pas dénoncer, à commencer par Maastricht et forcément la Constitution. Donc il faut changer tout ça, donc là, ce n'est pas gagné, mais j'ai trouvé dans la lecture de ce livre dont je conseille la lecture, qui est paru au Seuil en 2017, « La double démocratie », Michel Aglietta et Philippe Néron, je crois que c'est ce nom-là, c'est à lire. Ça donne un coup de fouet, ça fait réfléchir au moins sur tous les défauts de l'Europe et sur des possibilités éventuelles. Faites ta belle cruel naturel, comme une vraie mademoiselle. On est moche mais on s'amuse, du rire aux larmes. Vieux Arnaud fait gaffe sur l'album French Bazaar. Vous êtes sur Radio Campus, vous écoutez l'angle d'attaque et donc René, c'est à toi. Oui, donc un petit mot sur les activités d'attaque. Et donc, suite au premier tour des élections, il y a donc une déclaration d'attaque France, après ce premier tour, bien sûr. Les résultats du premier tour de la présidentielle illustrent bien la crise politique et démocratique que connaît la France, comme d'autres pays d'ailleurs. Les partis qui ont dominé la vie politique depuis 40 ans sont éliminés. Ils ouvrent une période de recomposition politique profonde. Ces résultats nous conduisent à voir s'affronter un tenant du libéralisme le plus décomplexé à la candidate d'une extrême droite qui met au cœur de son projet le racisme et la préférence nationale. Donc je vous cite là quelques extraits, parce que le texte est long. De mon ennemi est la finance à l'ami de la finance. Emmanuel Macron n'est en rien l'incarnation d'un renouveau de la politique. De François Bayrou à Manuel Valls, d'Alain Madelin à Laurence Parisot, sa candidature est le réceptacle de tous les promoteurs du libéralisme de ces dernières décennies. Or, ce sont ces politiques qui nous conduisent à l'augmentation de la pauvreté et des inégalités, à la désespérance sociale et, in fine, à la montée du Front National dans ce pays. Pas un Trump, un Orban ou un Erdogan en France. Marine Le Pen, l'autre qualifiée pour le second tour, est porteuse d'un autre héritage, celui de Vichy et de l'OAS, porteuse d'un racisme décomplexé à l'égard des étrangers, des étrangères et des musulmans et musulmanes, dont le projet est de s'attaquer à nos libertés publiques, à nos mouvements, associations et syndicats. Le mouvement social dans sa diversité aura un rôle stratégique dans les mois à venir, comme fer de lance des luttes contre les mesures antisociales et anti-écologiques du nouveau gouvernement. Dès aujourd'hui et dès le lendemain du second tour, nous participons et participeront aux mobilisations sociales face au nouvel ordre établi, aux multinationales et à la finance. Et l'Université d'été européenne des mouvements sociaux, qui se déroulera à Toulouse du 23 au 27 août, sera un temps fort pour faire entendre nos voix et travailler aux mobilisations nécessaires en France et en Europe. Au plan local, alors un rappel, bien sûr, il y a le défilé du 1er mai, le rendez-vous à Lille, c'est Porte des Postes à 10h. Il y a aussi le 20 mai, toujours à Lille, c'est la marche contre Monsanto. Donc le 20 mai, je viens de les dire, le rendez-vous, c'est Grand Place à 14h30. Pour une agriculture relocalisée, écologique et productive, capable d'assurer aux producteurs un revenu juste et aux consommateurs des produits sains et accessibles à tous. Contre une agriculture intensive usant de semences génétiquement modifiées et dépendantes des pesticides toxiques, sous la coupe des multinationales, s'appropriant le vivant et dont Monsanto est le symbole planétaire, mais pas l'unique représentant. Il y a aussi Danche Mical, Syngenta, Bayer, BASF, Dupont, Limagrain, etc. Oui, merci René. Et tu nous rappelles douloureusement avec cette manif contre Monsanto que les choix en ce qui concerne l'écologie de Emmanuel Macron en particulier sont assez, on va dire, limités. Mais on se fout un peu du monde. Enfin, il prévoit 15 milliards de budget sur 5 ans, c'est-à-dire 3 milliards par an, pour la transition écologique. C'est autant dire que... Alors, il compte sur les entreprises privées, ce qui est assez fantastique. Donc, il est très proche. D'ailleurs, avec des éventuels conflits d'intérêts qui ne manqueront pas d'arriver. Oui. Madame Le Pen, je pense que c'est pas très différent. Enfin, je me souviens pas avoir lu quelque chose sur la transition écologique de sa part. Non. Je crois qu'elle avait constitué un petit groupe pour réfléchir sur l'écologie, si, mais l'écologie de droite, bien. Ayant fait sienne la phrase de Pétain, la terre ne ment pas. Voilà, ah, bon, c'est joli. Ouais. C'est bon. Bien, et je vais passer à mon coup de gueule. Si, oui, c'est un coup de gueule quand même un peu. J'étais pas parti pour un coup de gueule, mais j'étais parti sur un conseil de lecture, mais un petit peu coup de gueule quand même. Et ce matin, j'ai donné un titre à ce que j'avais écrit, c'est « Les mots qui tuent ». Dans le numéro de jeudi dernier, il est donc toujours en vente, Politis ose proposer un dossier sur une expression « l'appel d'air » pour en dénoncer son mythe. En clair, le mythe de l'appel d'air, c'est le titre du dossier de Politis. L'appel d'air, c'est quoi pour vous ? une histoire de courant d'air qui facilite la combustion pour les physiciens, un crédit qui facilite un achat pour beaucoup de monde. Globalement, au sens figuré, c'est une circonstance qui améliore une situation difficile. Et cette circonstance qui améliore cette situation difficile, c'est ce que les racistes de tout poil disent des conditions d'accueil des immigrés en France. En clair, on les reçoit trop bien. C'est parce qu'ils sont trop bien accueillis en France que des flots de migrants, qu'on ne distingue pas d'ailleurs entre réfugiés climatiques pour cause de guerre, etc., tout ça c'est les mêmes, et c'est pour ça que tout cela se bouscule à nos frontières pour venir profiter de la douce France, de sa protection sociale et de la couverture sociale et de la CME. Fallait oser, l'extrême droite l'a fait. Les autres partis ont enchaîné. Depuis 40 ans, nous dit le dossier, les politiques usent d'expressions sur l'immigration propres à fortifier le climat xénophobe. Ça marche comme jamais. Les politiques, en répondant au Front National, deviennent ipso facto les faire-valoir du Front National. La France terre d'asile est une légende. Voilà ce que nous dit de façon blessante le sociologue belge. Le problème, c'est qu'il a raison. C'est bien de ça qu'il s'agit et que nous ne pouvons pas pardonner à Hollande d'avoir porté une politique de fermeture des frontières qui fait honte aux Français. Le mythe de l'appel d'air, c'est à lire dans Politis de cette semaine. Pardon, en vente partout. Voilà, je passe... C'est à moi de la parole. Bon, d'accord. Mais le calendrier militant, ça a déjà été dit un peu. On a plus de temps que d'habitude. On a été plus rapide que la fois dernière et on a du temps libre. Donc, sur le calendrier militant que ne nous a pas laissé Florent, on lui reprochera amèrement. Le 1er mai, ben, René l'a dit, mais c'est aussi le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras. C'est un événement qu'il ne faut pas louper. C'est aussi la fête de la louche à Oisem, la fête de la soupe à Oisem. Et puis, Radio Campus sera là de 14h à je pas d'heure, certainement. Et il n'est pas impossible que nous y passions les copains. René t'a parlé du défilé du 1er mai. Le 3 mai, la manifestation classique, donc le mercredi soir, des sans-papiers, rien de nouveau sous le soleil. Et il y a une réunion mensuelle du groupe Monnaie Locale à Lille, c'est à l'auberge de Lennes, métro Porte de Valenciennes. Le 5 mai, au Centre culturel libertaire, la cantine végane du CCL continue de fonctionner, le Centre culturel libertaire. Pour les deux ou trois auditeurs qui ne connaîtraient pas l'adresse, c'est le 4 rue Colmar à Lille. Tu m'as passé un papier que je n'ai pas compris. C'est peut-être une chanson. Non, je parlais, il y a pas mal d'ateliers et de choses ce week-end. Ça a commencé hier soir, ça s'appelle « Les mauvais jours finiront » et ça se déroule à FIV. Oui. C'est un peu partout, en fait. Il y a plusieurs lieux. Pardon. Il y a le CCL, entre autres, dont on vient de donner l'adresse. Enfin, regardez sur Internet. Cherchez « Les mauvais jours finiront Lille ». Voilà, je ne sais pas en dire tellement plus. Et on en parle beaucoup sur Radio Campus. Continuez d'écouter l'antenne, les gens en parlent. Et il y a des flyers qui circulent. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est très, très bien. Alors, on va profiter de faire un peu de pub pour nous, pour Attaque et pour notre émission Angle d'Attaque. Depuis maintenant, pas tout à fait 15 jours, nous avons la chance d'avoir un vieux projet qui s'appelle l'Angle d'Attaque au Tech. C'est-à-dire que avec Florent, avec Nicolas, nous avons fait en sorte de d'avoir une discothèque, si je peux dire comme ça, une angle d'attacothèque, je maintiens le mot, sur le blog d'Attaque Lille. Alors je répète, le blog d'Attaque Lille, c'est attaquelille.over-globe.com. Et là, vous allez trouver l'angle d'Attacothèque et sa présentation. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, de toutes les émissions que nous avons faites depuis 4 ans, même un peu plus. Vous allez retrouver la fameuse émission où Germain passait son examen en même temps que l'émission. Ça, c'était assez super. Nous avons de bons souvenirs d'émissions. On a retrouvé avec plaisir dans une conférence récente Fabien Desage, l'auteur de La politique confisquée, qui nous a refait une explication de ce que peut être les dangers de l'intercommunalité en France, c'est-à-dire le fait que de plus en plus les maires gardent leur pouvoir dans les intercommunalités et ne sont plus en mesure de jouer le rôle qu'il aurait assigné et auquel pas mal de gens croient encore, c'est-à-dire la toute-puissance du maire dans sa mairie. Il est bien plus puissant maintenant dans une communauté urbaine ou dans une intercommunalité. Et le pouvoir s'éloigne du citoyen. Et voilà. Et le problème, c'est que le pouvoir s'éloigne du citoyen. Alors, ça nous permet de boucler, d'une certaine façon, avec ce que l'on disait sur les élections. Hein, 46 départements ont voté Front National. Ces 46 départements, c'est certainement des départements d'abord ruraux ou ouvriers, bien sûr. Le Nord et le Pas-de-Calais en tête, la Lorraine, bien sûr. Donc, des régions, effectivement, où les ouvriers se sentent délaissés et où ce n'est pas là que le pouvoir local va les aider, en plus. Dans les intercommunalités, non seulement, évidemment, il y a des désertifications dont parlait tout à l'heure Ludovic, en disant que les services publics ont disparu, les services de santé, tout simplement, ont disparu, mais la poste aussi, enfin, etc. Il y a un abandon du pouvoir, et cette folie, je vais dire, qui nous vient de la droite, évidemment, mais bien appuyée par la social-démocratie en France, de la métropolisation et de faire des grandes métropoles, ça ne peut que contribuer à la désertification, à l'éloignement des gens de la vie politique, de la vie sociale tout simplement, qui est le primat de la vie politique évidemment. Mais ça ne peut que constituer, pour dire simple, pour aller vite, des votes Le Pen en fait. Voilà un véritable problème auquel nous n'avons pas de solution. On termine par une chanson, par Arnaud. Tu nous passes Arnaud, c'est la fête, et on finira comme ça. Sophie, elle s'ennuie aussi, mais la douleur, c'est son meilleur ami. S'en fout de tout. Il a déjà la tête au paradis. Oui, c'est la fête chez moi et tout le monde est là. Même une partie de ma famille. Les méchants, c'est pas nous. Les méchants. même EDF dans le New. Voilà, c'était la fête d'Arnaud pour terminer. Nous nous retrouvons bien entendu le troisième samedi du mois de mai avec le gendre idéal de la finance. Et avec Jean Gadret pour nous parler de prospérité sans croissance. Bonsoir à vous, bon week-end prolongé et à bientôt.